Jeunesse éternelle. Des talons aiguilles et des crèmes anti-jambes lourdes et les semelles absorption des chocs. 10 jours de régime pour compenser la religieuse au chocolat. Les escaliers à la place de l'ascenseur pour des fesses fermes, sur tous les jours de religieuse au chocolat. Des crèmes anti-vergétures pour les cuisses, un régime révolutionnaire. Du savon au lait d'anès pour la peau douce, des crèmes de jour, des crèmes de nuit, des lotions tonifiantes, des crèmes anti-rides, anti-âge, anti-cernes, anti-taches, des patchs fraîcheurs, des patchs purifiants, revivifiants, exfoliants, hydratants, les soins contour des yeux, contour des lèvres, les gommages à l'argile, puis les huiles à l'huile d'olive. Un nouveau régime révolutionnaire. Zut, j'ai mis la crème pour les pieds à la place du contour des yeux. 8 jours de crème apaisante pour réparer les rougeurs. Du Q10 parce que ça marche, de l'aloe vera parce que c'est naturel. C'est cher, ça doit marcher. Un nouveau régime révolutionnaire. Des tisanes détoxifiantes pour laver l'intérieur, de la verveine lavande pour dormir, de la tisane badiane anis fenouil pour la digestion. Manger ni trop gras, ni trop sucré, ni trop salé. Bouger. Ce matin, un cri de désespoir. Elle entoure son premier cheveu blanc sur son index et l'arrache d'un coup sec. Malgré tout, elle vieillit.